Studek Web. Studek Web, il est 14h, bienvenue dans le coup de boost, on est ensemble jusqu'à 15h. Aujourd'hui dans coup de boost, nous allons parler du nouveau carburateur à induction électromagnétique. Ça va être super. Ah ouais, mais non, c'est pas ça leur émission. Oupsie. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studek Web. Ah bah tu vois, c'était pas si compliqué. Bonjour à tous, super content de vous retrouver. Alors vous le savez, le coup de boost, c'est votre rendez-vous, votre deuxième réveil de la journée. On va kiffer ensemble durant toute une heure d'émission. Je vous rappelle que c'est votre émission. Alors venez nous raconter là toutes vos anecdotes avec le hashtag CDB ou en MP sur Facebook, Instagram. Et on vous appellera peut-être avant 15h avec toute l'équipe. L'équipe qui d'ailleurs est en pleine forme aujourd'hui, Nathan et Mathias. Salut les gars. Salut Axel, salut tout le monde. Alors Mathias, on va commencer par toi. Est-ce que t'as eu le temps de dormir quelques heures cette nuit, un petit peu plus que la nuit d'avant? Oh, légèrement, j'ai dormi 3-4 heures. Ça fait plutôt du bien, hein, mais bon. Là pendant le week-end, faut pas me joindre, je vais hiberner mon pote. Mais t'as raison, ça fait toujours du bien. Le week-end, c'est fait pour ça. Nathan. Bah, moi, vous dire que ça va, ce serait vous mentir. Clairement, hier soir, je rentre à la maison, chez moi, je suis resté véridique. Hein. 20 minutes devant mon miroir à admirer mon corps de lâche et ses muscles absolument pas développés. Et là, ma petite sœur arrive et elle me sort un « Sinon, la salle de sport, c'est pour quand ?» Ah, c'est génial. Super sympa. Hein. Génial. Du coup, je l'ai hyper mal pris, même si c'est vrai qu'elle a un petit peu raison. Il serait temps de muscler un peu tout ça. Donc, s'il y a un abonnement salle de sport qui traîne, moi, je suis preneur. Mec, je te prends en otage, je t'invite à venir avec moi en salle de sport à partir de maintenant. Même en direct, quoi, obligé. À ce week-end, on y va quand tu veux. Okay, je me joins à vous. On va former un trio de sportifs incroyable. Ça va être la folie, moi je vous le dis. On est mal barré. Moi hier soir les gars, je suis rentré chez moi sous la pluie avec mon petit scooter, je peux vous dire que c'était l'enfer, il y avait des embouteillages comme pas possible. Et d'ailleurs tiens, on va parler un petit peu de tout ça, on va kiffer ensemble durant une heure. Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné hier? C'est pas vrai. C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Oh la fofolle. Catherine Jablasi. Moi, un certain âge, bon ça va. Belle plante blonde. Ah ouais, mais c'est trop bien quoi. Le dose du jour sur Studek Web. Le dose du jour, aujourd'hui on va parler des moyens de transport. Alors dites-nous tous sur les réseaux sociaux si vous êtes plutôt voiture, scooter, transport en commun, ou si même vous avez peur de l'avion ou le mal de mer en bateau. On veut tout savoir, on est curieux sur Studek Web, on est comme ça. Tiens Nathan, pour commencer, est-ce que toi il n'y a pas un moyen de transport qui te fascine plus qu'un autre? Alors moi tu sais, je suis pas du tout écologique mec. Bravo. Bah oui. J'adore les monster trucks. J'adore la voiture, en fait t'es bien au chaud dans ta voiture quand tu vas au travail, quand tu vas à Studek Web, devant ton volant, avec la musique. Par contre il y a un truc que je trouve vraiment dégueu, c'est dans les embouteillages, tu sais, quand tu tournes la tête et tu vois le mec de 40 ans en train de se décrotter le nez à côté dans la voiture. Ah, c'est horrible. Ah, je trouve ça dégueulasse. Ah, c'est atroce, vraiment. Ah, c'est ignoble. Mathias, toi? Moi, c'est le bus. Je comprends pas comment on peut prendre le bus. Je déteste ça. C'est limite une phobie, je te jure, mec. Ah, mais je préfère mille fois prendre le métro, le RER, même marcher une heure et demie au lieu de 10 minutes en bus. Vraiment, ça me saoule. Moi, par contre, je suis fasciné par Tesla et les voitures autonomes. Ah, j'adore, c'est très sympa. Ils ont fait de très belles voitures. J'ai vu au salon de l'auto cette année. C'est magnifique. C'est incroyable. Alors moi franchement, je vous le dis les gars, si je pouvais faire un moyen de transport, enfin si je pouvais utiliser un moyen de transport un peu original, ça serait la fusée. J'aimerais bien voyager dans l'espace, j'espère que ça pourrait se faire. Mais on va y revenir dans un instant, puis dans un instant on parlera de tout ce qui s'est passé un 6 décembre, bien sûr la météo arrive aussi, ça sera avec toi Mathias. Ouais. Et puis en attendant, je vous joue tous vos sons préférés toute l'après-midi. Vous connaissez forcément Soprano, hier je vous l'ai fait découvrir dans son nouveau titre en duo avec Patrick Fiori. Et bien là je vous propose un extrait de son dernier album qui s'intitule Phoenix. Voici À la vie, à l'amour sur Studek Web. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne sans attendre un merci, vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis, avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile, si tout s'écroule tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Danse danse à la vie à l'amour. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Danse danse à la vie à l'amour. Je venais mais surtout qui j'étais. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sans ce que tu es te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui offre le monde à ta moitié. héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï. Danse danse à la vie à l'amour. Laï laï laï laï la la laï. Soprano sur Studek Web, et Soprano qui est d'ailleurs en concert un peu partout en France en ce moment. Il passera à l'Arena de Nanterre le 21 septembre prochain. Bienvenue dans le Coup de Boost si vous nous rejoignez. On vous accompagne jusqu'à 15h également en direct vidéo sur Dailymotion. On vous fait un coucou. Aujourd'hui dans le dos du jour, on parle des moyens de transport. Alors les gars, j'ai envie de savoir, Nathan, Mathias, quel est votre moyen de transport favori? Alors, pas un moyen de transport favori, ce serait le moyen de transport que j'aimerais bien prendre un jour dans ma vie. Ouais. Ce serait le pousse-pousse. Tu sais, c'est ce moyen de transport qui me fascine. En fait, tu sais, c'est l'espèce de chariot à deux roues. Au Japon, c'est assez traditionnel, tiré par un seul mec. Le mec fait des kilomètres chaque jour. Il est jamais crevé. En plus, c'est hyper écologique et ça crée des emplois. Donc, je pense que je vais proposer ça à Anne Hidalgo. Ça devrait lui faire plaisir. Ben, grave. C'est une très bonne idée. Mathias, à toi. Moi, franchement, en ce moment, c'est l'Hyperloop qui me fascine pas mal. C'est le moyen de transport du futur. Et c'est un train qui sera propulsé dans des tubes à plus de 1000 km/h, c'est un truc de fou. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est en test en ce moment à Limoges. Et encore une fois, c'est signé Elon Musk. Nickel Mathias, et ben on va continuer avec toi, tu sais quoi, parce que tu vas nous donner la météo tout de suite. Et oui, la météo est plutôt grise aujourd'hui sur l'ensemble de la France, et plus particulièrement sur la partie centrale de la France. Le pourtour méditerranéen, lui, est assez ensoleillé comme à sa grande habitude. Et les températures, quant à elles, restent assez classiques. On oscille entre 11 et 13 degrés, 14 pour la maximale aux alentours d'Angers. Et c'est à peu près tout. Merci Mathias, il est 14h08 et c'est l'heure de regarder ce qui s'est passé un 6 décembre. Oh mince, j'ai encore oublié la mort de Louis XVI. Ah, mais je t'avais dit de noter. Le post-it sur Studek Web. Le post-it, vous le savez, c'est votre rendez-vous chaque jour. On vous donne un petit peu toutes les informations qui se sont passées sur les années précédentes. Aujourd'hui, on est le 6 décembre. Alors, le 6 décembre, que s'est-il passé? On commence en 1877 avec la parution du premier numéro du Washington Post, journal très, très, très connu dans le monde entier maintenant, qui est encore diffusé à l'heure actuelle. Côté musique, le 6 décembre 1986, il y a eu ça. Ah, ça, c'est génial. J'adore. Le groupe Europe, avec le titre Final Countdown, atteint le sommet des hit-parades européens et notamment la première place des charts des singles britanniques et français. Initiative lancée aussi un 6 décembre 1993, le lancement du préservatif à 1 franc, dit le préservatif bon marché, à destination des plus jeunes. La capote très bon marché s'est vendue à plus de 7 millions d'exemplaires en 5 mois. On rappelle qu'il est très important de bien se protéger pendant un rapport sexuel, sinon ça peut donner des scènes un peu comme ça. Luc, je suis ton père, mais je ne le voulais pas à la base. Mec, c'est génial. Un 5 décembre 2000, la réforme de la loi sur l'IVG avec un délai passant à 12 semaines a été acceptée en France. En 2006, c'est le lancement de la chaîne française d'actualité internationale France 24. Et en 2014, la sonde Horizon venait de finir son voyage autour de l'hibernation. Donc aujourd'hui, elle continue toujours à nous fournir des informations sur Pluton. On va passer aux anniversaires, pardon. Oh là là, excusez-moi. L'actrice française Sabrina Ouazani fête ses 30 ans, également Arnaud Ducré ses 40 ans et Stéphane Guillon ses 55 ans. Voilà, on leur souhaite à toutes et à tous un très bon anniversaire. Nathan. C'est aussi l'anniversaire d'Alberto Contador, coureur cycliste espagnol, et Nelly Furtado, aujourd'hui 40 ans, auteure, compositrice, interprète canadienne. Nelly Furtado, à l'époque, ça donnait ça. Alors, Alors j'ai dit à l'époque parce que c'était en 2006 et pour moi 2006 ça date. J'ai du mal à me dire que 2006 c'était il y a 12 ans. C'est hyper bizarre. Et puis évidemment on souhaite un très bon anniversaire à vous tous qui nous écoutez aujourd'hui. 14h10:30 précisément sur Studek Web, toujours en direct sur Dailymotion avec toutes vos réactions sur le hashtag CDB, vos messages sur Facebook et Instagram. Dans un instant, on vous parlera des infos inutiles que vous pouvez replacer lors de votre dîner de famille. Et oui, vous allez pouvoir vous la péter grâce à nous, on est là. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler dès maintenant pour nous laisser tous vos messages, absolument tous, dans la boîte noire qui arrive avant 15h. Alors si vous avez envie de parler de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Le retour du son, c'est avec les titres d'un des plus grands poètes du rap français. Je vous le dis, si vous ne le connaissez pas, vous allez adorer. Il fait son grand retour depuis quelques jours avec son nouvel album qui s'appelle Polaroid Experience. Je vous propose le dernier titre de Youssoupha sur Studek Web. Le coup de boost, c'est jusqu'à 15h et on est ensemble jusqu'à 15h. Je m'appelle Axel. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je ne sais pas où ça mène. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je me suis perdu quand même, quand même. Mon histoire est belle à explorer, mais j'ai pas oublié l'île de Gorée. Y'a tout ce que j'ai haï, y'a tout ce que j'ai appris, y'a tout ce que je continue d'ignorer. J'ai porté l'argent comme un trophée, les bijoux, les thunes que j'ai coffrées. Délové, délové, j'suis mauvais, pourtant c'est l'amour qui m'a sauvé. Combien de temps à faire semblant, faudra nous accepter comme on est. Combien de temps à faire semblant, faudra nous accepter comme on est. Oh, oh, oh, oh. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je ne sais pas où ça mène. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je me suis perdu quand même, quand même. Imani ma fille, je vais rentrer. Mon anniversaire que j'ai manqué, j'ai pas pu le suivre, j'ai pas pu le vivre, alors je tente au pire de le chanter. Tu sais, même les pères peuvent se tromper. Je cherche à te plaire, à te combler. Ta mère est un ange et c'est elle qui m'a changé quand tout le monde me regardait tomber. Combien de temps à faire semblant, faudra nous accepter comme on est. J'ai plus envie de faire semblant, faudra nous accepter comme on est. Oh, oh. T'as la moine, oh yo yo. T'as la moine, oh yo yo. T'as la moine, oh yo. T'as la moine, oh yo yo. T'as la moine, oh yo yo. T'as la moine, oh yo yo. T'as la moine. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je ne sais pas où ça mène. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je me suis perdu quand même, quand même. Par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, non, non, non, non, non. Par amour j'ai chanté. J'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je ne sais pas où ça mène. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je me suis perdu quand même, quand même. Le coup de boost, ça continue, l'équipe ça va toujours? Mon micro n'était pas branché, c'est super. N'hésitez pas à lever le micro, on fait de la radio, c'est un peu mieux. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ta dose de kiff, c'est avec l'équipe du coup de boost sur Studek Web. L'équipe, on est toujours en direct sur Dailymotion, vous pouvez nous voir là, on lit tous vos messages avec le hashtag CDB sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter. Et puis là, tous les jours, on vous donne à chaque fois une petite info pour briller en société. C'est ce qu'on appelle chez nous les infos inutiles. Et on commence ces infos avec toi, Mathias. Et ouais, est-ce que vous êtes déjà fait opérer ici, l'équipe? Alors non, jamais. Ouais, moi, une fois. Ok, donc vous avez déjà vu que lorsque vous faites opérer, il y a le personnel opératoire, il a une blouse verte ou bleue. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ok, on pourrait se dire que c'est une couleur qui est assez anodine. que c'est choisi au pif comme ça et que voilà, mais vous savez très bien que dans le domaine hospitalier, rien n'est choisi au hasard. Pourquoi cette couleur ? Ouais. Pourquoi c'est vert ou bleu ? Pourquoi à ton avis ? Bah, peut-être en rapport avec les microbes, peut-être qu'il y a la couleur absorbe, un truc comme ça. Absolument pas. Merci, Mathieu. Tout simplement pour reposer les yeux de l'équipe, parce que c'est pas rare que les opérations durent plusieurs heures d'affilée. Genre quasiment tous les jours, ils tapent plusieurs heures d'affilée. Mais c'est surtout parce que le sang, c'est rouge. Ah, ah oui, donc, bah oui, c'est du pour coup, en fait, ça que ça ressorte, que ça se voit directement, oui. C'est ça. Et oui, oui, exactement. D'accord, d'accord, bien, bien, bien. Nathan, tu t'en fous, Lucie. Merci. Pas mal. Donc comme vous le savez, moi j'ai un chat à la maison et j'ai vu un documentaire récemment sur les chats. J'ai appris qu'en fait la queue pouvait prendre différentes formes en fonction de son humeur. Du coup je vous ai ramené un petit dessin, je vous montrerai sur Dailymotion, je me mettrai à côté de la caméra, je vous montrerai bien près juste après. En fait c'est vraiment par hasard, plus la queue du chat est en l'air, plus il est content, amical. Et plus elle vibre en fait, avec, je vais vous montrer cette image. Ouais. Une image du chat. Ah, vibre, bien, ouais. Il est content de vous voir. Là, vraiment, c'est quand je lui donne son pâté, elle est vraiment. On va vous le montrer sur la vidéo, là, sur Dailymotion. Juste après. Si on, les techniciens, si on peut juste changer la caméra, que les personnes qui nous regardent en vidéo sur Dailymotion puissent regarder. En revanche, par contre, quand la queue du chat est basse ou alors elle remue, là, surtout, faut sortir de la pièce. Enfuis-toi. Parce qu'il est prêt à vous foutre un coup de patte dans la tronche. À ce Donc, pour résumer. Si le chat a la queue verticale, c'est qu'il est en confiance. Voilà. Bien, bien, bien. Et là, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez voir sur Dailymotion, là, ton petit graphique sur les chats, Nathan, n'est-ce pas ? Yes. Il est pas mal, hein ? C'est pas mal. Ce que j'ai retrouvé, c'est le plus intéressant. C'est Nathan. Bien, en plus, c'est Nathan. Un petit zoom. Très bien, très bien. Voilà. Bravo. C'est Nathan qui a dessiné. C'était vraiment très intéressant. Merci. Les gars, pour finir, moi, j'ai une petite info. Steve Jobs roulait sans plaque d'immatriculation en Californie. Je sais pas si vous le savez. C'est illégal. Bah, totalement. Mais en fait, une voiture. Non, en fait, c'est pas illégal parce qu'une voiture neuve peut circuler 6 mois sans sa plaque en Californie. Voilà. Okay. Et donc, Steve Jobs, il a trouvé la solution. Il changeait de voiture tous les 6 mois. Ah Nathan, je crois que tu viens de déclencher l'alerte média, qu'est-ce qui se passe ? Exactement, dis-moi. C'est tombé il y a quelques minutes justement, c'est en rapport avec notre dose du jour. Énorme. Le Luxembourg va devenir, il l'a annoncé, le premier pays au monde à rendre les transports publics gratuits. Ah bien ! Le gouvernement a notamment annoncé que l'effet, la suppression des amendes dans les transports va être faite aussi. Ouais. Donc il n'y aura plus d'amendes. Ça va mettre les contrôleurs au chômage. Ne dis pas. Après, il y en a qui sont contents, ah tiens, c'est le mec qui s'est fait contrôler plusieurs fois. Ouais, ça, c'est pas aujourd'hui le aussi. C'est une proposition de là, voilà, pour accélérer le pas vers le développement durable. Bon, je ne sais pas si ce sera possible en France parce qu'on sait que le Luxembourg, c'est je ne sais pas combien de fois plus petit, mais il y a seulement 110 000 habitants. Donc, dans un contexte où, comme c'est plus petit, ça sera plus facilement réalisable. On a également une deuxième alerte média. On m'a dit qu'on avait le temps. Ariana Grande est déjà prête à sortir le successeur de Sweetener. Ah, ouais, elle a sorti cet été Sweetener. Et justement, dans Sweetener, il y avait cette musique. Ah, c'était génial! Ça c'est top, j'adore vraiment. No Tears Left to Cry. Exactement. Elle a annoncé, elle aurait déclaré sur ses réseaux sociaux, si j'ai envie de partir en tournée avec deux albums en même temps, je partirai en tournée avec deux albums en même temps. Nathan, est-ce qu'on peut se faire un petit point sur les réseaux sociaux très rapidement là ? T'as pas une sans faire un, carrément. Sur Twitter, un petit point très rapide. Alors oui, j'ai hashtag Santa Claus. Il me prononce Oh, Axel, tu ne m'as pas envoyé ta liste de Noël. Dépêche-toi, sinon tu n'auras pas ton abonnement Tinder Premium. Oh, c'est gentil, Père Noël. Mais écoute, je vais y penser, c'est avec grand plaisir. Maison, poisson, hélicoptère, ver de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studek Web. Le jeu du booster arrive avant 15h, vous allez pouvoir tenter de remporter votre pack Studek Web. Alors dedans, qu'est-ce qu'il y a les amis ? Il y a visite des studios, okay. Les t-shirts, les t-shirts, la photo dédicacée de l'équipe. Bien. Exactement. Et les jantes Studek Web. Oh non, là là, les jantes Studek Web, bon, ça on élimine. Toujours pas, toujours mais pas. Il y a la photo dédicacée, il y a la totale, on va vous envoyer tout ça à la maison. Pour cela, c'est très simple, vous nous posez un maximum de questions pour essayer de deviner un mot en rapport avec les moyens de transport aujourd'hui. La seule contrainte, si vous proposez 3 mauvaises réponses, c'est malheureusement perdu. Mais je suis sûr que vous allez y arriver, vous allez mais voir, oui, c'est assez super simple. Oui. Et pour participer, c'est simple, vous nous envoyez simplement un message sur Facebook, Twitter ou Instagram. Et puis un petit tirage au sort aura lieu tout à l'heure. Et si vous avez un peu de chance, eh bien on vous appellera en fin d'émission. Donc commencez à réfléchir à des mots en rapport avec les moyens de transport. Vous restez avec nous, le dos du jour continue. On parle avec vous des moyens de transport. Soyez bien à l'écoute et restez attentifs, ça pourra vous aider pour le booster. Nathan, les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça donne ? Ah, encore ? Il y a beaucoup de monde qui réagit. Je sors mon téléphone. J'ai mon écran devant moi. On a tellement de tweets que l'argent chauffe. Et je les vois arriver, mais en masse. Je peux pas passer à côté. Regarde, là, c'est mon téléphone moderne, en fait. C'est là qu'arrivent tous les tweets. C'est hyper moderne. Ça arrive sur un papier directement. Donc, j'ai une réaction de Capitaine Igloo qui dit « Perso, je pars en croisière sur la Méditerranée pendant les vacances de Noël avec ma copine. » Ça vous fout le seum ? Ah bah oui, c'est vrai, totalement. Non, non, mais c'est vrai. Oui, oui. Très bien. Bah en tout cas, vous restez avec nous. Vous continuez à nous envoyer tous vos messages. Dans un instant, ça sera l'info du vrai faux qui arrive avec tous vos sons préférés. Jean-Jacques Goldman, puis un son qui sent bon le week-end. Showtime. Ah, ça sent la soirée du samedi soir. Ça, ça arrive tout de suite sur Stylé Web. Incroyable. Retrouvez le meilleur laboratoire radiophonique de France. Viens manier des éprouvettes d'humour, des potions de folie et mélange-les à ta personnalité. Le studio École de France est un vrai labo radio où sont formés des animateurs et animatrices. Des techniciens. Mais aussi des journalistes. Alors si tu aimes l'actualité et que tu veux la décrypter, rejoins-nous. Studio École de France, 145 rue Jean-Jacques Rousseau à Issy-les-Moulineaux. 01 46 20 31 31. Et toi, repose cette fiole de blagues lourdes. Ah, oh, mais j'ai jamais le droit aussi. Quatorze heures, quinze heures, c'est le coup de boost sur Studek Web. On continue de passer l'après-midi ensemble jusqu'à 15h. Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné hier? C'est pas vrai. C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Oh la fofolle. Catherine Jablasi. Moi, un certain âge, bon ça va. Belle plante blonde. Ah ouais, mais c'est trop bien quoi. Le dose du jour sur Studek Web. Aujourd'hui dans le dose du jour, on parle des moyens de transport. Donc si vous avez déjà testé un moyen de transport improbable, je sais pas, peut-être que vous avez fait de la montgolfière, du tuk-tuk, de la fusée. Voilà, et appelez-nous, dites-le-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous nous envoyez simplement un petit message et on vous recontacte et vous passez avec nous dans l'émission en fin d'émission. En rapide, les gars, les moyens de transport que vous détestez. On commence par Nathan. On commence par moi. Alors, allez. Un moyen de transport que je déteste et que je prends tous les jours, parce que tout à l'heure je parlais de voiture, mais je la prends jamais. Je prends tous les jours le RER. Oh là là, c'est génial. Ouais. Ah, franchement, j'adore. Tu vas vite et tout. C'est ce que j'allais dire. C'est beaucoup plus rapide que le métro. Bon, par contre, il a tout le temps du retard. On est bien d'accord. Pas tout le temps. En vrai, ça va. C'est correct, il faut l'avouer, mais surtout il est plein aux heures de pointe et ça c'est vraiment horrible. Horrible. Et d'ailleurs, voilà, j'ai beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux qui nous disent que le RER c'est le pire moyen de transport. Non mais le truc qui est chiant en fait avec le RER, c'est que t'arrives, tu passes en 10 minutes, tu fais putain, il est long ce RER, t'arrives, tu vas supprimer, retardé, supprimer. Ouais, les 3 quarts du temps t'attends, il y a rien au bout. Ouais, c'est ça, c'est un truc de fou. Non mais c'est bien, quand même, je dois avouer que le RER est bien parce que j'évite les bouchons parisiens et j'ai regardé, je mettrais autant de temps si je prenais ma voiture en fait. Eh vas-y à pied mec. Ouais, carrément. Deux semaines. Bah moi, je vous ai dit, hein, le bus, j'arrive vraiment pas à supporter ça. On est serré, on est collé, les gens ils parlent fort. Faut que tu notifies pour ton arrêt, il suffit que tu sois pas attentif 2 secondes et tu rates ton arrêt. C'est un truc de fou, j'aime pas ça. Non mais moi, perso, ce que je kiffe bien à Paris, c'est les moyens de transport en général. En vrai, je me plains pas trop parce que moi, à la base, je viens de la campagne. À la campagne, bah, quand t'as pas de voiture, tu vas nulle part, tu fais ouais, rien. Ouais, tu restes. Donc la première chose que tu rêves de faire, c'est de pouvoir passer le permis, hein, comme chaque jeune sur cette terre. Moi, perso, je fais partie de ces personnes qui ne peuvent pas passer le permis suite à des problèmes de vue, etc. Il y a des lois qui sont assez strictes là-dessus. Perso, ouais. Je peux pas. Du coup, autant vous dire que j'étais assez content de pouvoir prendre les transports en commun à Paris. Ça m'a fait découvrir la vie à 100%. Maintenant, je peux être autonome et ça, on oublie quand même assez régulièrement de notifier que, en fait, bah, le métro, c'est cool finalement. Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que moi j'allais dire que le métro c'était horrible. Bah, vas-y, contredis. Mais c'est vrai qu'après tout ce que t'as dit, c'est compliqué de, tu vois, de contredire. Attends, je reprends. Le métro c'est nul. Oh là là. Voilà, le métro c'est horrible. Non, moi je dis ça parce que c'est vrai que je prends beaucoup le métro pour me déplacer à Paris et tu te fais écraser tellement que il y a pas de place, c'est atroce et c'est vrai que les transports en commun ça réduit quand même pas mal la pollution et ça il faut le souligner. Donc ça c'est quand même le gros point positif et tout ce qui va voilà avec. Oh, on a Maxime qui habite à Tours au téléphone. Salut Maxime. Salut l'équipe, salut Axel. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien et vous? Bah ça va. Alors ça quoi va. De neuf du côté de Tours? Bah ça va, il fait un peu gris mais ça va. Alors dis-moi à Tours, je t'avoue que moi je connais pas trop cette ville, j'y suis jamais allé. Ouais. Il y a pas le métro à Tours je crois. Non, il y a le tram. Il y a pas le métro. Il y a le tram, ouais. C'est ça? Ouais. Alors comment ça se passe le tram? Est-ce que c'est pas trop bondé aux heures de pointe? Comment ça se passe? Bah alors moi je te cache pas que le tram c'est vraiment un truc que je prends jamais parce que c'est beaucoup trop blindé. Je prends le bus, mais le bus bah c'est pareil. Hein. Enfin je déteste prendre le bus. Vraiment je pense que le pire transport en commun c'est le bus. On est d'accord. Ouais, merci. Excuse-moi Maxime, on entend un fond musical. T'es en train de faire tes courses de Noël là? On se rend non, correct, t'es dans un centre commercial. Non, pas du tout, je suis dans la rue, mais c'est vrai qu'il y a des petites enceintes parce qu'ils passent des musiques de Noël à Tours. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Maxime? Comment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, moi je suis étudiant. Ok, d'accord, qu'il y avait un étudiant en quoi? Je suis étudiant en commerce. En commerce, d'accord, sympa. Yes. Eh ben écoute, tu nous écoutes tous les jours? Oui, forcément. Eh ben Maxime, t'es le meilleur, j'ai envie de te dire, t'es le meilleur. C'est pour ça qu'on t'aime, Maxime. Vous êtes les meilleurs, vous êtes malade ou quoi? Bah, ça fait super plaisir ce que tu nous dis, mon pote. Et t'hésites surtout pas. Dès que t'as envie de revenir, vraiment, hésite pas, tu nous rappelles et tu reviens quand tu veux. On va t'envoyer un petit cadeau à la maison, ok? Ah, trop bien. Merci Allez. Beaucoup, ciao. Salut Maxime, ciao, à bientôt. On continue l'après-midi ensemble. Merci en tout cas d'être aussi nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Nathan, comment ça se passe? Ah, sur les réseaux sociaux, toujours plein de réactions. Je reprends mon téléphone mobile. On a Vanessa Paradis qui a tweeté. Ah, carrément! Elle a tweeté, alors je sais pas si vous allez reconnaître la référence. Joe le taxi, c'est sa vie. Le rhum mambo, embouteillage. Vas-y, Joe. Vas-y, fonce. Mais elle est forte, cette Vanessa. Toujours dans le thème. La mer noire. Oh non. Ah, pardon. Yes, non. Les gars, vous n'oubliez pas, avant 15h, on vous appelle pour gagner un pack Studekweb avec t-shirts, stylos, stickers, la visite des locaux. Pour tenter de le remporter, c'est très très simple. Vous nous envoyez un petit message sur Facebook, Twitter, Instagram. On vous appelle, vous connaissez le principe. Le but est simple, vous devinez le mot du jour. Et le mot du jour donc, est en rapport avec le thème du jour. Et aujourd'hui, c'est... Les transports en les commun transports Vous en êtes commun. Beaucoup trop réactifs, c'est génial. Vous cherchez donc toutes sortes de mots plus ou moins en rapport avec les moyens de transport. Ça peut être un objet que l'on retrouve à l'intérieur d'un train, ça peut être ce qui fait voler un avion, un réacteur par exemple. Voilà, vous avez plein de possibilités, donc commencez à y réfléchir. L'info du vrai faux arrive avec nos deux journalistes sortis tout droit d'un autre univers. Nathan, tu nous parleras musique. Exactement. Et Mathias, je t'ai laissé libre. J'espère que tu vas nous surprendre comme je à chaque fois. Je vais vous surprendre. Mais vous tu sais quoi, pas. Je n'ai jamais douté de tes capacités. Ah, merci. Allez, ça arrive juste après ça sur Studekweb. Tous les jours, ils sont là, une équipe complètement déjantée, composée de Corentin, Julie et Morgane, prêts à vous faire kiffer durant une heure complète d'émission. On les appelle les meilleurs des meilleurs, vous ne pouvez pas les rater. En plus de ça, Ils vous font gagner des cadeaux. Chaque jour, un pack Studek Web est à gagner avec stylos, crayons, stickers et la visite des studios avec tous vos animateurs favoris. Des infos, de la culture et de la déconne, c'est Studek Borderline et c'est tous les jours de 15h à 16h sur Studek Web 1 et en direct vidéo sur Dailymotion. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studek Web. Ah bah tu vois, c'était pas si compliqué. De retour dans le coup de boost, bienvenue dans votre deuxième réveil de la journée. Si vous venez de nous rejoindre, je crois qu'il est l'heure de laisser place à nos deux journalistes de l'extrême. Voici l'info du vrai-faux. Ah ouais, mais non, c'est pas ça les infos. L'info du vrai-faux, c'est sur Studek Web. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Axel, bonjour à tous et on commence avec le chiffre du jour. Le chiffre 1 est sur les lèvres de tous les employés d'Instagram. La raison, le célèbre Blind Magazine a révélé qu'Instagram était le réseau social numéro 1 chez les aveugles. Une information qui n'a pas manqué d'étonner Christian, 34 ans, aveugle de naissance. Ah non, je suis pas aveugle moi. Comment ça? Bah, je suis pas aveugle du tout. Mais les lunettes, la canne, tout ça, c'est bien parce que vous êtes non-voyant, non? Non. Bon, je vous crois pas, prouvez-le-moi, j'ai combien de doigts là? 4. Bon, ok, très bien. Merci à vous, Christian. La tectonique est de retour, c'est ce que de nombreux DJ mondialement connus ont annoncé sur les réseaux sociaux. Un style électro qui avait bercé les années 2000. À l'origine de ce retour inattendu, un titre de Mehdi Tectonic intitulé « Move your ass, cause I'm badass ». Nous avons eu la chance de rencontrer cet artiste qui a bouleversé toute la toile musicale. J'ai toujours considéré que la tectonique était vivante. Tous ceux qui ont craché sur ce style, sur ce mouvement, que dis-je, sur ce mode de vie, s'en mordent désormais les doigts. Et oui, effectivement, ce mouvement est unique. C'est quelque chose qu'on vit avec la musique. Et je peux vous dire que c'est incroyable. Oh bordel de merde. Excusez-moi, Mathias, c'est à toi. J'ai beaucoup garde de le sérieux. On garde le sérieux, nous sommes dans un journal, je le rappelle. Non, mais c'est très intéressant ce que dit Mehdi Tectonic. Pour information, Mehdi Tectonic sera en showcase ce soir au Mail Alpha Club. Le mondial de l'épilation? Oui, le mondial de l'épilation est présent en ce moment même à Paris, porte de Versailles, au programme bande de cire, épilateur électrique et cri de douleur. Michel Globendebro s'est entendu avec un exposant au concept plutôt étonnant. Bienvenue sur mon stand. Alors voilà, moi je pratique l'épilation ici au Mondial de l'épilation très souvent. C'est mon activité professionnelle et ce que j'aime beaucoup, c'est l'épilation surprise. On rappelle, l'événement se tiendra porte de Versailles tout le week-end. Michel a même ajouté que si certains gilets jaunes voulaient se faire épiler, ils seraient les bienvenus. Merci messieurs. L'info du vrai faux revient dès lundi sur Studek Web avec des journalistes, je l'espère, meilleurs. L'info du vrai. C'est terminé. Le coup de boost, ça continue, vous bougez pas. Dans un instant, Nathan viendra vous parler musique et Mathias nous emmènera dans son univers. Bien sûr. Restez là, on a tous vos messages dans la boîte noire et le booster qui arrive, c'est juste après Patrick Bruel sur Studek Web. À ma place, à ma place. Mais qu'est-ce que tu ferais que je ne ferais pas de surface en surface? J'en ai loupé des buts, mais j'ai marqué parfois, ça dépend, ça dépasse. Et puis ça disparaît, un peu comme toi et moi, de guerre lasse en guerre lasse. Quand est-ce que tu reviens? J'ai oublié, je crois. Oh, j'aimerais tout recommencer. Je me sens nu, même tout habillé. Les jours s'allongent et moi je disparais. À ta place, à ta place. J'essaierai de comprendre pourquoi l'amour est là, de Charybde en Scylla. J'ai perdu les syllabes et je m'ennuie de toi, il n'y a plus que l'espace. Entre toi et le monde, entre le monde et moi, j'ai troqué tous mes as. J'ai prié le bon Dieu pour qu'il ne m'oublie pas. Oh, j'aimerais tant tout recommencer. Je me sens seul, même accompagné. Dans mes souliers, parfois je disparais. On est là face à face, planté dans un décor que plus rien ne menace, où ça passe, où ça casse. On essaie de courir alors qu'il faudrait pas, on efface les voyages, les sourires, ce qu'on a fait de nous, un coup de poing dans la glace. On regrettera, je crois, on en est où? Dis-moi. Oh, j'aimerais tout recommencer. Je me sens flou, même bien éclairé. Dans la lumière, parfois, je disparais. J'aimerais tout recommencer. Je me sens nu, même tout habillé. Tu te retournes et moi je disparais. Le coup de boost, c'est jusqu'à 15h. Je m'appelle Axel. Mathias, chaque semaine, je te laisse carte blanche. Vraiment, tu peux faire ce que tu veux. Eh bah écoute, là je vais vous emmener dans mon monde. Le manque de sommeil entraîne chez moi des idées bizarres, comme par exemple se faire des coquillettes à 1h du matin. Véridique, hein, ça m'est arrivé la semaine dernière, et ça m'arrive d'ailleurs assez régulièrement. C'est hyper bien à 1h du matin. Mais mec, je le prends totalement pour un italien avec mes pattes, c'est un truc de fou. Je pensais déjà à me renommer Matti Ravotti, parce que moi, mon italien, il consiste juste à mettre des i à la fin des mots. C'est plutôt assez sympathique. Mais ce comportement n'est pas aussi bizarre que la série dont je vais vous parler aujourd'hui. Et j'ai nommé Black Mirror. Pour vous restituer un petit peu le contexte, j'étais posé chez moi et j'avais fini toutes mes séries en cours, sauf que vous me connaissez, j'adore en découvrir de nouvelles. Je me suis rendu sur Twitter et j'ai alors posé la question suivante: quelle série vous me conseillez? Alors entre deux connards qui me disaient gnou, Netflix c'est mainstream, gnou machin, je regarde pas de série, j'avais juste envie de leur dire de fermer leur gueule, hein. Et lorsque soudain... Carrément, il est énervé aujourd'hui. Ouais, mec, il est pas content, Mathias. Je te jure mec, ça m'a souillé. Lorsque soudain un mec surgit dans mes DM, mes messages privés, il me dit: mec, il faut absolument que tu regardes Black Mirror. Ce que j'ai fait. Putain, c'est trop bien. Du coup, t'as pas dormi? Ah non, j'ai encore moins dormi. Black Mirror, c'est pas des épisodes qui sont tous différents. Il y a pas de suite logique, je crois. Si, exactement. Ouais, c'est un truc de fou. C'est trop bien et c'est trop bizarre. Mais attendez, je vous explique. Black Mirror, ça parle des futures technologies, des problèmes qui y sont liés. Le plus flippant là-dedans, c'est que c'est dans un futur pas si lointain que ça et qu'on peut très facilement se projeter à la place des personnages. Il y a 4 saisons pour l'instant et les épisodes durent en général une bonne heure pendant laquelle on enchaîne les retournements de situation sur les retournements de situation. Et par moments, la série est vraiment gore. Je me souviens d'un épisode où 3 personnes cambriolent un entrepôt et ils se font courser par une sorte de chien robot tueur qui les traquera jusqu'à la mort. Et vous vous en doutez, les scènes de mort des personnages sont juste horribles. Là, j'en bégaye carrément tellement ça me rappelle des mauvais souvenirs. J'ai rarement vu un truc comme ça. Franchement, c'est incroyable. Et le plus flippant là-dedans, c'est de se dire que les robots dans cet épisode-là, ils sont vraiment en production dans la vraie vie en ce moment-là. Âme sensible, s'abstenir. Alors... je vais pas vous mentir, hein. Pour l'instant j'ai vu que 5 épisodes jusqu'à présent, les 5 premiers de la saison 4, parce que oui, comme l'a dit Axel, les épisodes sont indépendants les uns des autres. Vous pouvez très bien regarder un épisode de la saison 3 puis de la saison 1, ça changera strictement rien. Mais alors, pourquoi avoir commencé par la saison 4, tu me diras? Aucune idée, c'était juste comme ça, Netflix m'a proposé, j'ai fait ok, voilà. Merci beaucoup Mathias, et tu sais, ça me donne envie de passer mon week-end sous la couette là, clairement. Ah bah mec, tu m'as donné envie. Moi qui regarde jamais de série, tu vois, j'ai envie de regarder la série. C'est parce qu'à chaque fois je me dis, si je commence une série, je vais jamais terminer. Nathan, tu es notre spécialiste musique. Yes. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on revient sur l'album à venir. Bon, d'accord, mais celle-là, vous la connaissez pas parce qu'elle est nouvelle. Les sorties de la semaine sur StudecWeb. Je ne suis pas venu seul aujourd'hui pour vous parler de l'album à venir. En fait, j'ai décidé de ramener avec moi un voyant, médium. Il nous vient directement de Bulgarie. Ah, c'est génial. Il a ramené ses boules de cristal, bien sûr. Ouais, calme-toi, bonjour, Nathan, je t'ai vu un peu. Monsieur, mais comment vous vous appelez ? Vladimir Polyakov. Moi, être très content de passer sur Radio StudecWeb. Vous, être Axel Pujol ? C'est moi, bonjour. Enchanté, enchanté. Pujol. Et vous, Ravo Mathias ? C'est ça, priviet, comme on dit en russe. Très content d'être avec vous. Alors, j'ai fait appel à ce monsieur Polyakov. Oui, Polyakov. Parce que je ne trouvais pas un album vraiment stylé. Du coup, j'ai fait appel à lui. Qu'est-ce que vous voyez, monsieur, dans votre boule de cristal ? Je vois dans ma boule un album d'un monsieur ancien membre One Direction. Les One Direction, c'est vachement bien, c'est génial. Mais du coup, lequel? Parce qu'ils étaient 5 à l'origine, les One Direction. Ah, donc là, il n'y a plus le voyant là. Si, ah, il revient. Il est encore là, il est encore là. Oh, je vois un homme très joli avec barbe bien rasée, brun, avec nom origine pakistanaise. Vous voyez de qui il parle, Vladimir là? les gars. Oui, moi je vois. Cyril Hanouna. Non, non, tu parles de qui, Vladimir? Je parle de Zayn Malik. Ça vous être familier, vous? Ah bah oui, bien sûr, les One Direction. Eh bien, lui sortir nouvel album solo 14 décembre appelé Icarus Falls avec 27 titres. Très bien. Lui marchait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le futur. Moi, présentez-vous Sour Diesel. Merci, Vladimir. Génial. Sour Diesel sur Stidek Web. Walks through the place, hands on her waist, gun on her thigh. Picture the game, she did this before. Murdered the game, promised her mom she won't kill again. She got it in, she knows she got it. I'm taking off like a rocket. Spaceship so high, can't stop it. Like a sour diesel, I can't stop the feeling. Sur Studek Web, je rappelle, l'album est sorti le 14 décembre, va sortir le 14 décembre, c'est bientôt, c'est dans une semaine, avec 27 titres. Est-ce que vous pouvez remonter un petit peu la ligne de basse? Bon, très bien, on a entendu la ligne de basse. Yes, bon, je vous conseille d'aller l'écouter sur YouTube du coup. Eh ben écoute, merci Nathan, ça doit être très sympa, mais c'est un échec total. Je suis déçu, mais je voulais, en fait, je voulais juste cette partie de la musique quoi, et en fait, ils l'ont coupé. Bah écoute, c'est pas grave, on leur pardonne, vous êtes les meilleurs les gars. Ah, l'écoutez pas. Je suis triste les gars, je suis triste. Dans moins de 5 minutes, j'appelle l'un ou l'une d'entre vous pour vous faire gagner un pack Studek Web avec à l'intérieur plein de cadeaux, le pack Studek Web, vos stylos, tout ça, ça vous fait rêver, je le sais hein. Ah, moi je rêve. Mais Mathias, je sais que t'en rêves, écoute, si t'es ça, je t'en donne rien. Allez. Merci. Les règles sont très simples, il suffit de deviner le mot du jour en rapport avec notre dose du jour, donc les moyens de transport aujourd'hui. Pour ce faire, vous avez le droit de poser un max de questions, ce que vous voulez. Attention par contre, au bout de 3 mauvaises réponses, c'est terminé, bye bye le pack Studek Web. Donc attention, il ne vous reste plus que 5 petites minutes pour jouer.

poste. Bah voilà, moi j'ai un petit problème, c'est que je peux pas m'empêcher de crier. Merci de m'aider. Salut. Kocham was wszystkich, lubię was, dziękuję bardzo, że mnie wzięliście i jest wszystko okej, okay, wszystko w porządku z tym programem, bo jest zajebisty program. Salut l'équipe, j'ai matché sur Tinder avec Axel, je lui ai envoyé un message, il m'a jamais répondu. Alors j'ai un vrai problème, je viens d'accoucher depuis 2 semaines et j'arrête pas de faire une dépression parce que ça me manque tellement d'être enceinte. D'accord. Ah, ils sont bons, hein, ils sont très très bons. Merci à Théo à la réa, hein, bravo. Très beau message. Alors, beaucoup de messages hein, Axel aujourd'hui, on en avait eu 3 hier, là on en a au moins 6, 7, bah là, c'est pas mal. Vous avez cartonné pour la fin de la semaine, vous êtes les meilleurs. On a eu un message dans une langue étrangère. On a eu Vladimir qui a répondu sur la boîte noire, il a été sympa, il nous a laissé un petit message. Comme quoi il était content d'être passé sur cette idée. Ouais, mais comme quoi on parlait de russe tout à l'heure. Il a même dit j'aime la tarte au pruneau. C'est du polonais, c'est du polonais. Ah, c'est du polonais. C'est pas du russe, attention. Ouais. On a eu également un message sur Tinder. Axel, depuis le début de la saison, on t'aide pour que tu matches sur Tinder et toi, tu réponds pas au message. Eh bah, tu vois. Non, mais je l'ai pas vu, il a dû passer dans mes spams. Bah, écoute, allez, ah, oui. Juste après l'émission, c'est promis, je répondrai à ce message avec grand plaisir. Les amis, la boîte noire, ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, on va accueillir notre auditeur du jour, notre auditrice du jour. Ah, auditrice, pardon, excusez-moi. Oh là là. Salut, tu m'entends ? Salut, oui, je vous entends très bien. Bonjour. Ça va, tu vas bien ? Bah, super. Alors, ça peut aller. Comment tu t'appelles ? Excuse-moi, j'ai pas ton prénom, je suis vraiment désolée. Je m'appelle Sarah. Tu t'appelles Sarah ? Oui. Salut Sarah. Eh ben, enchantée, sois la bienvenue sur StudioQuel. Merci, c'est très gentil. Mm. Alors, explique-moi ton histoire. Alors, moi, je viens d'accoucher, ça fait 2 semaines maintenant. Et je suis en dépression parce que ça me manque d'être enceinte. Ah, voilà. Ouais, sérieux, j'ai beaucoup la sensation et du coup bah maintenant ça je me sens pas bien. Je sais pas pourquoi. Carrément. Il y a une sensation particulière quand t'es enceinte. Je suis pas au courant parce que je suis un homme. Oui, oui, il y a une sensation un peu particulière. Tu sens qu'il y a, on va dire, je sais pas, il y a quelque chose qui grandit en toi et voilà quoi. C'est un peu, je sais pas, c'est différent. Tu te sens mieux. Au pire, graille un poisson rouge. Tu sais quoi ? Non, ça change rien. Ah. Tu sais quoi, Sarah ? Il y a Axel qui est célibataire. Est-ce que ça t'intéresse ? Arrêtez, j'ai déjà quelqu'un. Et là, elle vient d'accoucher. Sarah, écoute. Je sais pas. Moi. Avec plaisir, on se rencontrera, on ira boire un petit café ensemble. Peut-être que ça pourra matcher. Oh, non, on verra. En tout cas, merci de nous avoir appelés, c'était top. Et tu reviens quand tu veux, Sarah, ok ? Le charron. Allez, gros bisous, à bientôt. Salut Sarah, ça raccroche. Maison, poisson, hélicoptère, ver de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster sur Studek Web. Vous êtes de plus en plus nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, ça nous fait super plaisir, vraiment merci d'être aussi réactifs. Et aujourd'hui on a un auditeur qui s'appelle Célestin. Célestin, très beau prénom d'ailleurs. C'est pas un prénom courant. Ah, est-ce que Célestin nous entend ? Célestin, t'es là ? Célestin n'est pas là. À chaque fois, on a des gens qui ont des réseaux sociaux. Je te jure, des réseaux mobiles. Attends, j'ai la technique qui me dit qu'on a Célestin là, je crois. On a Célestin. Célestin. Ah non, c'est Célestin. Eh non, c'est pas lui. Célestin. Si, moi, je l'entends. Célestin. Ah, mais Célestin est apparemment à la montagne. Célestin est en train de faire du ski. Ouais. Ah, Célestin, comment tu vas ? Ça va super, les gars, et vous ? Ben, ça va, mon pote. Alors, t'as 18 ans, toi, c'est ça, et t'habites à Aulnay-sous-Bois. Ouais, c'est ça, je travaille au Lidl de Issou. D'accord. Et ben, on les embrasse, on leur fait une grosse dédicace. T'es pas trop stressé pour passer à l'antenne, mec ? C'est un peu quand même. Ah, bah, c'est normal. Est-ce que t'es prêt à jouer au booster avec nous ? Ah, je suis prêt, les gars. Alors, je te rappelle le principe, c'est très simple. Simplement, tu vas devoir donc. Poser un maximum de questions, exactement. Vas-y, note, on t'est bien parti. Bah ouais, bah carrément, je te prends ta place si tu veux. Mais là. Allez, on est parti, c'est alors, tu poses un maximum de questions en rapport avec notre thème du jour, je te le rappelle, c'est les moyens de transport. Hugo, okay, est-ce que tu peux. Arrêter de souffler sur ton téléphone. Oui, Célestin, est-ce que tu peux juste arrêter de souffler dans le téléphone, même si t'es à la montagne, mon pote? Parce que c'est vrai que. C'est moche à l'antenne. Si ça t'embête pas. T'es toujours là, Célestin? Ouais, on l'a perdu. Là, ouais, je suis chaud. Ok, mon pote, t'es prêt? Ouais. Parti. Allez, 3, c'est 2, parti. 1, top. Ok, est-ce que ça a des roues ? Non. Non. Est-ce que ça vole ? Oui. Oui. Oui. Ah. Est-ce que ça a des hélices ? Non. Est-ce que c'est un avion ? Non. Attention, ça s'accélère, tu viens de donner une mauvaise réponse. Est-ce que c'est cher comme moyen de transport ? C'est peu courant en fait, donc ouais, c'est touristique. Ouais, exactement. Touristique. Oula, est-ce que c'est une montgolfière ? Oui ! Bravo, Célestin ! Mec, je t'annonce que tu gagnes ton pack Studek. Studio Quab, ça me fait hyper plaisir. Là, on est trop contents avec l'équipe. Ah, ouais, ça nous a donné. Ah, mec, ça fait trop plaisir. Ça nous a mis en joie. Tu pourras mettre ton petit t-shirt Studio Quab au Lidl de Issou. Ça va être trop bien, mec. On va se rencontrer. Tu vas venir nous voir dans les studios de Studio Quab et on va te faire toute la visite. Ça va être top. On va s'éclater tous ensemble. Super, les gars. Bah, écoute, ça fait vraiment plaisir. Tu reviens quand tu veux vraiment. Merci d'être passé, en tout cas, c'était super cool d'être venu. Yes. Et puis, gros bisous à tout le Lidl de chez Issou. C'est ça. Voilà. Salut, dédicace passée. Ciao, ciao. Salut, c'est Salut, mon pote. Salut. Les amis, c'est bientôt la fin de l'émission. Dans un instant, vous allez pouvoir retrouver toute l'équipe de Borderline. Allez, faut se lever. C'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studekweb. Ah bah, tu vois, c'était pas si compliqué. Julie. Alors, Morgan. Est-ce que tu sais pourquoi on t'a mis ce son, Axel? Ben non, ça me fait peur. Alors, en fait, les techs sont venus me voir. Il y a juste avant l'émission, ils m'ont dit on met ce fond musical pour Axel parce qu'il vient de finir la saison du coup de boost de 2017, en tout cas pour notre émission. 2018, pardon. Ah mais c'est génial, les cadeaux à compétition. On va faire non, des bruitages. C'est super. Voilà. Non, mais top les gars, c'est mec, cool. C'était la dernière émission de 2017. C'est la dernière de 2018. On est en 2018. Mec, 2018. Ouais. Je suis complètement ailleurs, les gars. Non, non, non, mais c'est la dernière de 2018. On ça se veut dire en que la prochaine fois, on va se retrouver en 2019. Mais vous pourrez trouver d'autres équipes. Ah, voilà, et à partir de lundi, Et puis là, dans un instant, on va retrouver toute l'équipe de Studek Borderline. Il y a Julie, Morgane et Corentin. Coucou Julie. Oui, salut les gars, ça va? Ben ça va et toi? Ben ça va super. Alors, quelles sont les news pour ton émission? Ben on va parler musique, spectacle, il y aura de la bonne humeur. Voilà, ça va être génial. Eh ben, nickel. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, on va vous écouter. Tu sais que Julie, tu pourrais pas faire médecin dans un bloc opératoire? Pourquoi? Parce que t'es habillée en rouge. Ah, bon, eh oui, parce qu'avec le sang, ça se confondrait. Si tu nous avais écouté, Julie, et faut ben, on suivre en un petit tous peu. Les jours, oui, c'est vrai. Bah, écoute, voilà. Bah oui, Julie, parce que si tu te mets en rouge, tu peux pas voir les taches de sang. C'est ce qu'expliquait Mathias. Ce que j'expliquais, faut être en bleu. C'est vrai, oui, du coup, c'est logique. Ouvert. Les amis, c'est Patrick Bruel tout de suite sur Studio Quoi. Merci de nous avoir écoutés. Allez. C'est Jean-Jacques Goldman, excusez-moi. Ciao, ciao. But et sans mobile, je marche dans la ville, tout seul et anonyme. Où la ville et ses pièges, ce sont mes privilèges. Je suis riche de ça, mais ça ne s'achète pas. Je m'en fous, je m'en fous de tout, de ces chaînes. Retour en 1985, Jean-Jacques Goldman, Je marche seul sur Studio.